Recevant un coup de téléphone d'un ami me demandant de le rejoindre pour le numéro 3, Ice of Diamond, sorti en 待ちきれないさ出会った瞬間自然待ちは君は Live a Silent Another でも乗せた本能黙ってないだろう最高のフィルドワンコンパサウラミハーツ命を懸けそうさ心と見澄ませも So now 殻を破った Free yourself 解き放って一瞬を Going the fighting days to we sing now 向き合うその目に宿る光が本当の自分を呼び覚ましてくれる Fighting days gonna be ace ぶつけ合う一瞬が勝負さ熱い行動を全て共に go 弱気な自分を戦い抜こう君が待っている勝負をさ始めようか Going the my days weak seem now 向き合うその目に宿る光で本当の自分が今目を覚ました Fighting days gonna be ace ぶつけ合う一瞬の勝負さ Le lendemain, après une nuit de repos lors d'un journal télévisé, nous apprenons la mort de Kim Bredel pour son numéro 2. Vous l'avez deviné, il s'agit de Théo ou la batte de la victoire, sorti en 1985. 臆病なのね落ちた涙も見ないふり

Au revoir le Japon, de retour en France avec le grand gagnant de ce mois-ci, Olive et Tom, sorti en 1983. Nous arrivons à la fin du premier épisode d'Oritac. J'espère que cela vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour un spécial Sentai et Metal Hero. Et n'oubliez pas que c'est vous qui choisissez votre top. Et retrouvez-nous sur radio-anime.net et, comme on dit au Japon, matane. Une ombre